Les portes éclaircies, le temps calme les angoisses, les larmes diluent la poisse. Le Prozac efficace est nulle part, c'est chez moi. Jamais pertinent, jamais dans les temps, je rate à travers toi. Nulle part, c'est chez moi. Jamais pertinent, jamais dans les temps, je rate à travers toi. Nulle part, c'est chez moi. Salut, vous écoutez Sous Pression, une émission de punk, ska et hardcore francophone. Maintenant, dans son nouveau format, pour ceux et celles qui se tiennent aux nouvelles de l'émission de Sous Pression et le monde de la radio communautaire au Canada, vous vous êtes sûrement rendu compte qu'il y a eu beaucoup de changements dans les derniers 4 jours. Ici, avec Sous Pression et plus particulièrement à CHRY. J'en rentrerai pas trop en détail, j'en ai parlé sur le site web de l'émission, vous pouvez aller checker ça. Mais le grand message étant que Sous Pression est maintenant rendu dans un nouveau format podcast qui diffusera à partir du site web de l'émission qui n'est plus le souspression.wordpress.com. L'émission Sous Pression a un nouveau site web, c'est le souspressionpunk.com. Alors une émission, une adresse un peu plus facile à se souvenir. Mais si vous voulez plus d'informations sur la raison pour laquelle Sous Pression n'est plus sur les ondes de CHRY, allez visiter souspressionpunk.com, j'en ai parlé, mais je veux juste vous dire que ça n'a rien à faire avec l'émission Sous Pression en particulier. Alors c'est ça, mais si vous voulez plus d'infos, allez checker souspressionpunk.com, j'en ai parlé un peu plus. Et c'est ça, je continue en musique. En fait, j'ai commencé l'émission avec une chanson de Guérir Poubelle de leur album Amor Fati. C'était le morceau Nulle part, c'est chez moi. Alors, une chanson qui touche un peu sur la nouvelle réalité de Sous Pression en ce moment. On n'a plus une maison, on n'a plus un chez nous dans un studio de radio. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous voulez, on change avec les temps. Alors, en tout cas, je continue la musique maintenant avec La Gâchette de leur nouvel album Dans ta face. Je fais jouer le morceau Le malheur des miens. Alors voici La Gâchette à Sous Pression. Je reviens. vois plus la grisaille, tu vis trop bien réglé. Tu cours pour les images et la réalité. Ton délire d'histoire t'a pitché des romances, des poses et des regards d'hommes qui t'ont fait la chance. Tu danses dans ta chambre sur des disques reggae, dans la fumée du chant, sur les basses saccadées. Juste ton mur y a écrit justice et liberté. Et dans ton cœur, pas que tu viennes me voir. Tu sais que j'étais encore une fois en retard. Son air me dit que maintenant c'est Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression, dans son meilleur et nouveau format amélioré version 2.0. On vient d'écouter le dernier long bloc, on a commencé avec La Gâchette, le morceau Le Malheur des miens de l'album Dans ta face. Les Partisans après ça avec Face au soleil de leur EP Les lendemains qui dansent. Les Parias avec L'effronté, L'Exomile avec Au travail. Ensuite on a écouté Les Molars avec 666e parallèle de leur album Des larmes et des armes. Les crapules après ça avec Corps mort, cette chanson-là tirée d'une compilation du label Méga Fiable, alors la cassette Méga Fiable version 2 ou volume 2, pardon. Du Malto d'Orso après ça avec Alerte à 2h, et on vient d'écouter du scrap de la hippie Grand Talent, pas d'adon, pas en tout. C'était le morceau Tu veux dire. Alors, je continue la tradition à ce moment-ci de vous parler un peu, de vous rappeler que Sous Pression, bien sûr, a un site web. Et si vous l'écoutez, vous le savez déjà parce que l'émission diffuse à partir du site web maintenant, c'est souspressionpunk.com. Allez le dire à vos amis si vous êtes toujours sur le site web. Envoyez le lien à vos amis, je garantis qu'ils vont aimer ça. Alors, souspressionpunk.com, on a aussi une présence sur Facebook, facebook.com/souspression, et bien sûr, une nouvelle adresse courriel, c'est info@souspressionpunk.com. Alors, info@souspressionpunk.com. Alors, si vous avez des demandes spéciales, des commentaires, des plaintes, peu importe, envoyez-moi ça, puis ça me fera plaisir de jaser avec vous. Alors, je continue maintenant avec... je continue bien sûr avec le bloc Sono Mondial, le moment de l'émission où je fais jouer une chanson par un groupe qui chante ni en anglais ni en français. Cette semaine, je vais faire jouer un groupe de l'Espagne. Le groupe s'appelle Penadas por la Ley. C'est deux chansons tirées de leur album Sueña, Vive et Peca. Je vais faire jouer le premier morceau Sobreviviente et ensuite le morceau Robos. Alors, voici du Penadas por la Ley à sous pression. à mon père, car tu as gueulé. À ma mère, à ma mère, car tu as crié. Tu me fais même plus peur. We can survive. aller maintenant. Maintenant tout peut recommencer. Assez pleurer, assez chémer, assez de mouchoirs, de salé. J'ai trop perdu de temps à penser au temps perdu. Et il m'en reste encore un peu pour inventer un troisième temps. La mémoire, nous le réinventerons. La Wehrmacht, nous baignerons dans l'huile. Le mur est tombé, nous le reconstruirons. Il y a plus d'air, nous respirons autrement. Et surtout, nous n'oublierons pas de nous souvenir. Non, non, non, nous n'oublierons pas de nous souvenir. Nous serons des machines et nous saurons le blé. Nous serons des machines et nous saurons le blé. Nous serons le feu vert et la peau de terre. Nous serons le fer et la terre. Nous serons des hommes nouveaux. Alors, on vient d'écouter du Zabriskie Point, le morceau 1997 de leur album Des Hommes Nouveaux. Avant ça, du Action Sédition avec le morceau Prisonnier Politique de leur album Rapport de Force. Les Marmottes Aplaties, avant ça, de leur morceau Breakdance de l'album Décadence. C'était le dernier album studio que les Marmottes Aplaties ont fait avant de se séparer. La Souris Déglinguée, avant ça, de un EP, un album éponyme, le morceau Weekend Sauvage, un morceau qui, je suis pas mal certain, a été repris à plusieurs reprises, dont par au moins une fois par les Esclaves Salariés sur leur dernier album et un problème sensu. En tout cas, avant La Souris Déglinguée, c'était le groupe Toujours Rien, tiré leur démo en sortant en 2009, c'était le morceau Loose Brigade. Jeunesse Apatride avant ça avec Bar Coupe Gorge, du Amnésie avec Héritage, et bien sûr on a commencé le long dernier bloc avec deux morceaux par Peñadas pour l'Allée. C'était le morceau Sobreviviente et le morceau Robos. Alors j'ai le temps de vous faire jouer une dernière chanson. Je vais vous faire jouer un morceau de Banlieue Rouge tiré de leur album Sous un ciel écarlate. C'était le morceau, c'est le morceau Dernier Sourire. Je vais vous laisser avec ce morceau-là. Merci beaucoup d'avoir écouté. Comme j'ai dit, si vous voulez écouter l'émission, vous êtes sûrement sur le site souspressionpunk.com. Vous pouvez lire les raisons pour lesquelles on est maintenant en format podcast sur le site web, mais je vous assure que l'émission continuera, puis je continuerai à chaque semaine de vous offrir de la bonne programmation de qualité de Punk Ska et Hardcore francophone. Alors prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Tout ce qui m'avait plu, je m'en ressens. La douleur.